Le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, a reçu un message de félicitations de la part du président iranien Hassan Rouhani à l'occasion de la nouvelle année 2017. Souhaitant que la nouvelle année soit pleine de bénédictions et de bonheur, le destinataire a formulé à Kim Jong-un les vœux de santé et de succès dans le travail et au peuple de la République populaire démocratique de Corée, prospérité et bonheur.